Serge Gino Bocana, la force tranquille. Alexis Tikongo, Afrique terrible. Durena d'Amel Songolo, Babingamo, expérience. Expérience. Mena Bali, Watato, Melito, Zali, Seba, Mata. C'était à 10 frais, Coco, tout bon, la pune, à 100 dollars. 100 dollars. Allumé, ta 50 frais, Coco, tout manda, quoi, 3 millions d'euros. Pota, y'a manqué, Coco, Tinda, Moto, Ena, Liwa. Tokiba. Vino, princesse, à Oubela, et Zoko, Mama, Casio. Et Bango, Bisson, Bavou, les Beléo. Avec un prince, n'a pas preuve, t'os sali. Tous à la distraite, Johnny Lopez. Tous à la distraite. Amadou Diaby, imprimante à Conakry. Ah ouais! Tokanga et tapin, zete na biso makasio. Toke bana soya moulo azamba moselou. Barena bazana se na ba parole sucrée. Bazo louko boake la bango fromage. A mon abiso. Biso dosanga Oyo samba sangisi na nyanga bola yango Lise kokyo mon amfula Kasi mon pepete Popo luka popanza biso Na Johnny Lopez Noe bawaya No lenge tolinga nae Lokola makila na misisa Dire Fumu, Savane, Mwana, Yemba. Kala Mosika, Touti, Bibale, Asomo, Peba, Mbonge, Toko, Mi, Pene, Pene, Yamboka, Tofose, Toko, Mapode, Mitu, Bosali, Bosa, Bae. Nanya, Kozungisa, Energi, Nabisa. Antonio Molombi, Olivier Kamanzi Petir à l'opangwe commissalité La fierté africaine au Canada Yakobuka l'opangwe commis problème Mais fora vous les belles bébana seconde Tofongo la miso topé sa ba jalou chance Théo oh, oh. Yo Johnny Lopez Chacho Dembela Double casquette Francis Balagé Wika Yomo to change ma identité Dans la cour royale Comme Robinanga Madame Lopez Zoki Rosa Ça c'est le prince de Moloka Jolenga Kuma Kandengengenge Ataba Sangi Siba Comédien Yosa Kongo Bungueli Pacheco Sai Sai Checo Checo Kesa Obe Ah ouais Tadio Mo Johnny Lopez de Sepeli Sakama Onos Limbambe Prix Nobel de la Sable Redo Mwanzanzinga Boyokaya Jean Chanteur Abampema Na Petit Rossier Trésor Ndombele Qui se tait aux amis repas Makasa Moto monene na Bralima Flavien Kaniki Dernier de bagaille petit à quartier Kosala Ben Afrifa Le marketing en avant John Dongala Bundes En génération, bienvenue Mangani, hein? Babi Rizzo, Ousmane Louvunga, voix et mélodie de son maître, le mentor est Pascal Rochereau Taboulé, l'idole de Ben, la vedette de l'Olympia. Johnny Lopez Lelo na eki posa kopi na salo bimi sanga Na kende koyo kamo gongo ya tabule Mongali chéri d'amour salo bimi sanga Na yo kapeti osi Na embeli ya tabule Ina kuvala mabaya Ina kuvala jikida Bredi dede Bredi dede Sonny Ambrosio Faustin Bobo Sagoli Mokuta Robert Diaka Simo Gomez Bamba Mapatanga Monangamba Maboko na moto Papa Wemba Kolela Taboule Kuvala